ndeko na ngai tobanga mibeko zomi ya Yawe kotanga kombo ya Nzambe pamba pamba te. Vous êtes, nous y sommes. Vous êtes, nous y sommes. Donc bon amour et voyez vos robinets. Chérie. Oh, yeah,